gens qui fait peur ça. Hein. Ouais. Est-ce que ça va Jérémy? Ça va, en forme, en forme. Il est 14h, nous sommes samedi, c'est le jour J, ce soir plein de monde. Ici dans les studios de Galaxy, on a retrouvé tous les anciens. Exactement. Et on aura l'occasion de vous en parler évidemment tout à l'heure. Pour l'instant, il est 14h. Galaxy. Power Dance. Les 50 maxi les plus explosifs du moment. Eh ben ça y est, on va faire comme au bon vieux temps, hein, ouais. Les 50 maxi les plus explosifs du moment. On va prendre un coup de vieux là pendant 3 heures, voilà, jusqu'à 17 heures. C'est un rendez-vous que vous attendiez tous les samedis après-midi à partir de 14h. C'était de 91 à 93. Et on a fait un classement. On a récupéré tous les classements, on a réattribué les places. Et ce que vous allez entendre là, c'est la vérité en fait. La pure vérité, je vous jure. Les vraies ventes, les vrais chiffres, les vraies statistiques. Voilà, les vraies statistiques et des choses assez surprenantes quand même, notamment le numéro 1. Moi, je m'y attendais pas du tout. Écoute, je l'ai vu, j'ai parcouru un peu du regard ta liste. Et puis, effectivement, le premier, ça sera une grosse surprise. Voilà, grosse surprise également. On vous a prévu quelques petites surprises également côté classement. Ouais. On va pas trop tarder parce que 50 titres en 3 heures, ça va speeder. Allez, on y va, numéro 50, voici GND for fun. Yeah! Oupi la semi! Fun. Maxi, Power Dance, Power Dance, Power Dance. C'est pas maintenant qu'on ira se coucher, hein. Il y a encore plein d'heures à passer sur Galaxy. C'était la 49e position de ce classement Power Dance Up and Down. C'était Was Not Was et Kim Basinger, la charmante Kim Basinger. Le titre Take Your Head. Je te rappelle de ça au moins. Ouais, je me rappelle. Très bien. D'accord. Allez, on y va. Hop là, Power Dance, vous vous trompez de bouton. Ouais, ça commence très fort. Hein. Numéro 48, la suite, Jeremy. C'était Sub Sub avec Ain't No No. C'est ça, je le Ain't No Love. Ain't No Use. Ain't No Use. Excellent, c'est 48e. Told me from the start, and let it all Olivier Curtis. Je t'aime comme la vache Meuler. Ah là là, quel souvenir, c'est Quench Dreams. Souvenir. Le standard est en train d'éclater. Voilà. Alors 48ème tout à l'heure, Sub, Ain't No Love, Ain't No Use, 47, Secret Cinema, Timeless Attitude. Et puis à l'instant, c'était évidemment Quench Dreams. Jusqu'à 17h, les 50 titres les plus explosifs d'il y a 10-15 ans. Ouais. Avec tout de suite un gros gros carton. Oh là, ça c'est de la crème. Hein. Time Problem avec Alice Day in Wonderland. Excellent, c'est à 46ème de ce classement, 45ème, 14h18. On est ensemble jusqu'à 17h. Attention, pas mal de surprises tout à l'heure. Ouais. Power à tout dance. À l'heure, Alice Wonderland. Qui fera partie des annales de Galaxy, on c'est peut vrai. Le dire. Un produit bien de chez nous, un Tourquenois en plus. Hein. Ah, Terence Fixmer. Ah bah oui. Cyborg avec Another World, c'était classé numéro 44. Tu te rends compte qu'on est à peine à la place 44? C'est incroyable. C'est-à-dire qu'il y en a encore 43 morceaux comme ça qui on vont va jamais arriver à la fin. Bon, c'est pas grave. On voulait vous parler également d'une petite chose. Si je sais que vous, on vous a diffusé à peu près 1 000 000 de disques cette semaine. C'est vrai. Il y a certainement des petites perles que vous recherchez. Des demain, il y aura une bourse disque à Moucron. Ça se déroulera au Centre Expo, rue de Menin, bien évidemment. Demain, à partir de 10h jusqu'à 18h, un site internet également. Si vous avez la chance d'avoir à votre disposition une connexion internet, vous cliquez sur le www.foiremoucron.site.voila.fr. Je répète, foiremoucron.site.voila.fr. Donc c'est une foire au disque qui se déroule demain à Moucron. À partir de quelle heure? À partir de 10h jusqu'à 18h, rue de Menin, c'est dans la Seine jaune. Et là, vous trouverez toutes les petites perles qu'on vous a diffusées. Évidemment, il y a tellement d'exposants. Hein. C'est clair. Allez, on y va, on continue. We'll be right back. la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. C'est le meilleur passage du disque, ça en plus. Cleveland and Calls à un 141ème. Alors Jérémy, t'as bien fait de mettre tes lunettes parce que là ça va se compliquer. Hein. C'est un tout petit. Attends, je vais t'ouvrir le micro aussi. Ouais, ouais voilà, là je m'entends. Pas mieux. Ok. Plus. On fait un petit récap des 10 premiers avec lesquels on a démarré notre émission. Exactement. 50e GND for Fun, 49. Was Not Was avec Shake Your Head. 48 Sub Sub Ain't No Love Ain't No Use. 47 Secret Cinema avec Timeless Attitude. 46 Quench Dreams. 45 Un Grand Souvenir Time Problem avec Alice Day in Wonderland. 44 La Suite avec Cyborg Another World. 43 Speedy G et Pullover. 42 20 Hearts avec Capricorn et ouais. Numéro 41. Il y a un Clivillis et Coles pour le titre Deep Lord, c'est ce qu'on vient de s'écouter juste à l'instant. Et voilà, les 40 meilleurs, c'est dans un tout petit instant juste après ceci. La journée des profs. Crache les sur vos profs. Espèce de pute. Elle me dégoûte, c'est incroyable. T'en fous ta gueule en fait. Ouais, les archives. C'est vraiment un fils de pute. T'as enrogé ce mec. Les meilleurs moments de l'émission ce samedi dès 21h. Sur 95.30. Mais enfin, je n'ai qu'un mot à vous dire, continuez. Vous êtes sur la bonne voie. This is the rhythm of the night. The night. Oh yeah. The rhythm of the night. This is the rhythm of my life. My life. Oh yeah. The rhythm of my life. Life, life, life, life, life. We'll be right back. Parties. Power Dance. Power Dance. Les 50 maxi les plus explosifs du moment. Insomniac. I must sleep. Insomniac. C'est vrai que finalement Galaxy aura été la première radio à vous diffuser tous les tubes avant les autres. Et puis également on a promotionné au maximum la région. Encore un titre bien de chez nous, Patrick Coles, DJPC avec Insomniac. C'était la position numéro 39 alors que Jérémy vient de nous joindre, ouais. Guillaume également. Ça commence à faire la fête ici, ça commence à s'échauffer. Ce soir ça va être très chaud d'ailleurs, hein. Ça va être très chaud, 21h, 2h du matin avec toute l'équipe de Galaxy. Les anciens, les nouveaux, pour du bon son et de la rétro tout au long de la nuit avec des délires, des pas parodies, mal de bons moments, ouais. Et puis également pas mal de choses qu'on a retrouvées. Spécial prof, il y aura également Bizu qui était venu nous dire bonjour sur Galaxy. Poisson d'avril, il y aura plein de choses, plein de canulars. Les répondeurs. Je rappelle le numéro du répondeur, 0870 245 603. Vous pouvez toujours nous laisser un petit message sur le répondeur. On le compilera et on fera des petits montages, même s'il passe la semaine prochaine, il n'y a aucun problème. Voilà, 40e Corona, The Rhythm of the Night, GPC, 39e Insomniac et numéro 38, Thunderbolt. Bonsai Channel 1. Tu connais ça par cœur, j'ai mis, c'est dingue. Alors, donc, t'as mis tes lunettes, c'est bien. I know, Mantronic is really great, but my style is much better. Better.

excellent, c'est Plexus à l'instant avec Cactus Rhythm. Ouh, et puis attention, c'est une version remixée par Ferlin Pimpin, monsieur Ferlin Pimpin. Ah, excellent. C'est qui lui? C'est Guillaume. Ça y est, je suis arrivé enfin, je suis sorti du lit, petit déj, en forme bien sûr. Ferlin Pimpin qu'on retrouvera d'ailleurs ce soir hein, dans une émission spéciale pour un mix spécial entre 6h et 7h du matin, si j'ai bonne mémoire. C'est extraordinaire. Ah là là, quelle mémoire. Et franchement, moi ça me fait plaisir hein, de entendre tout ça. En plus, ta voix tout à l'heure à 14h, Olivier Curtis. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Terrible, terrible. Bon, la suite du classement avec. La suite du classement, ben c'est la suite, hein, c'est le numéro 36e. Trax LTD avec Amphétamine. Amphétamine, et puis juste après Una, et puis il sera 15h. Ça va, on est dans les temps, Guillaume. Nickel, quelle structure. À tout à l'heure. Power Dance, Open Dance jusqu'à 17h. Emotion. 7e dans le classement du Power Dance Up and Down, c'était Plexus avec Cactus Freedom, la version Ferlin Papa Robin. Ça, ça monte, ça monte, ça monte. 16e, c'était Drax LTD avec Amphétamine, ça tu viens de le dire, je pense. Et le 35e, c'était Una Emotion, mais c'est pas grave, deux fois mieux qu'une. Bon, quelle émotion. Vous écoutez Galaxy, il est déjà 15h, on est dans les temps, donc ça va jusqu'à 17h, okay. Le classement du Power Dance Up and Down. Ça y est, je crois qu'on pourra plus en placer une. Allez, vous écoutez. Ouais, il s'en va, il se casse. T'as c'est bon, il est avec ça. Bon, Power Dance, jusqu'à 17h, c'est ce qu'on disait. Et puis la suite de la musique, c'est dans un tout petit instant avec la position numéro 34. 34. Dance avec to Trance, Power of American Native. Il est 15h. Galaxy. We'll be right back. 24 hours a day. Galaxy. Olivier Curtis on Galaxy. Voilà le classement du Up and Down Power Dance, c'est jusqu'à 17h. Voici le petit récapitulatif de la position numéro 40 à la position numéro 31. 40e Corona avec The Rhythm of the Night. 39 DJ PC avec Insomniac. 38 Bonsai Tunnel One Thunderbolt. 37 Plexus Cactus Rhythm. Tracks Unlimited avec Amphetamine numéro 36. 35 Yuna avec Emotion. 34 Dance to Trance for of American Native. 33 Opus 3 et To Find Day. 32 Capella You Got to Know. Et numéro 31 Félix Don't You Want Me. Alors qu'ils ont on a un petit invité qui passera ce soir également. Un petit, il a grandi. Quelle classe. Arrêtez. Bonjour. Merci. On va peut-être présenter Laurent Dereux, justement, hein, qui revient à ses origines, parce qu'il y avait commencé il y a très longtemps. Hein. Dites donc, ça ne nous rajeunit pas. Ah, vous savez en quelle année j'ai commencé ici? En quelle année? 87. 87. Et jusque. Et 93, 94, ouais, 93, 94, quand même. Et c'était le samedi matin, hein. Oui, tu te souviens un petit peu, bien, mon cher Guillaume, puisque vous étiez là en train de vous entraîner quand moi je parlais à la radio. Il y a un petit jeune qui arrive. Je veux faire de la radio. Bah oui, tu vas à côté. Hein, ouais, bah voilà, je mets des disques et puis ça s'est bien passé. Hein, bah la preuve, je suis ici. Bon, bah non, voilà. Non, c'est toi la star en fait. Non, je ne suis pas vraiment une star. Hein. Non, Olivier, non, qu'est-ce que t'en penses? Vous étiez mes professeurs. Parce qu'Olivier Curtis, Laurent Dereux, c'était mes deux animateurs préférés du week-end. Et puis, c'est vrai que j'ai appris pas mal avec eux. Moi, j'ai des souvenirs de Guillaume quand il venait nous voir avec son petit vélo. Ah, c'est vrai. Il a grandi depuis. Maintenant, il vient à pied. J'habite à 200 mètres, donc c'est plus pratique. Bon, alors il est bien classement là. Bah, il est bien classement numéro 1, aujourd'hui, donc mais je peux pas. C'est qui le numéro 1, je peux le dire maintenant? Ah non, non, surprise. Ah, oui. Ah, c'est pas mal le numéro 1. Ouais, c'est un très très bon classement. Hein. Ça reflète vraiment le classement du Open le, Down. Le classement personnel d'Olivier Curtis, quoi, en fait. Tout à fait, avec la petite touche organisation, structure nickel. Hein. Ah, d'accord. Dans les times. Bravo. On va faire d'ailleurs une petite pause avant de retrouver les 30 premiers avec un titre qui aura marqué Galaxy. Rappelez-vous, l'œuf ou la poule, la grosse question. Laurent, tu t'en rappelles? Ouais. Pas du tout, d'accord. Mais si. Il y a l'air perplexe. Bon, on y va. Non. Juste avant de retrouver les 30 premiers. On se retrouve juste après. L'éternel problème se repose. Une nouvelle ère est arrivée. S'interroger sur la liquéfaction de notre instinct. L'éternel problème se repose. Qu'est-ce qui est le plus important? L'œuf ou la poule? L'œuf ou la poule? L'œuf ou la poule? La grosse question à laquelle on essaiera de trouver une réponse tout à l'heure, l'œuf ou la poule, gros événement en Galaxy, on aura l'occasion d'en reparler ce soir avec toute l'équipe. Gauthier sera là, on aura plein d'anecdotes, Laurent viendra nous rejoindre également tout à l'heure. Rencard à ne pas manquer avec des répondeurs, des fausses pubs, des canulars, plein de choses. Arrête de me regarder comme ça, tu me troubles. D'accord, bon, la suite du classement, numéro 30 avec Jones and Stephenson, ça s'appelle The Force Rebirth. Et ça c'est exclusivement sur Galaxy, bien évidemment, il est 15h18.

bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang. Si la conoces te gustará porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí. Cette semaine du classement du Power Dance. Enfin cette semaine c'était comme attends je vais te faire le micro. C'était il y a très très longtemps. C'était il y a très très longtemps. Je voudrais simplement dire un truc à Guillaume et Hubert. Je sais pas comment vous le trouvez Olivier. Il serait bon en animateur comme ça le week-end de temps en temps, parce qu'il a l'air tout joyeux là. Nickel. Tous les amis comme ça radio. Il aime bien. Puis on lui a posé la question tout à l'heure. Il nous a pas répondu. La réponse. Non mais tu vois, moi il y aurait une petite à demi-sèche comme ça, ça irait mieux qu'un grand machin. Non. C'est comme le vélo Olivier. Voyons. Allez. N'oublie pas. Ça n'est perdu avec les grandes choses. Oui, ça arrive. Sultana numéro 30 avec TMO 29e, Johnson Stephenson for Two Birds, et à l'instant Timo Bayo avec Asimi Gustami. Yes, Stasi Estano. Alors attention, 27e la suite avec Who is Elvis, phénoménal. Ah oui, numéro 26 juste avant DJHS, House of God. Ah bon? Bah oui. DHS, ouais, DJHS, c'est vrai que c'est DHS. On essaiera de retrouver tout à l'heure également. Exactement, même s'il doit avoir une petite gueule de bois ce matin. D'accord, mais c'est comme ça tous les jours, c'est pas grave. Allez, on y va. Attends, t'aurais pas dû dire ça. Mais si. Il balance. Who is Elvis? On y va. Who is Elvis? Who is Elvis? Who is Elvis? Who is Elvis? Who is Elvis? Who is Elvis? Money. Galaxy, ça déménage, ça déménage, ça débloque, ça débloque. Ça rend fou. The House of God. The House of God. The House of God. The House of God. $50 or more. The House of God. God's house, the house of God. God's house, the house of God. God's house, the house of God. God's house, the house of God. God's house, God, the house of God. God, God's house, God, the house of God. God, God's house, God, the house of God. God's house, God, the house of God. God's house. If we wanna waste time talking about what the devil does, glory, glory. If the devil, you listen to say, stay on it, talk about the devil. You know the devil, devil, show us, yes, yes. You know the devil, show us, show us, yes, yes. You know people ain't like you. Du moment. Les dormeurs. Le dormeur doit se réveiller. Se réveiller. Curtis. Je t'aime comme le lavage me l'herbe. Tune in and cop out. Branché sur Radio Galaxy 97.6. Voilà, c'est gagné, c'était très bien. Qui vous rappelle forcément des choses. C'était Carlos Mendes à l'instant avec Saxophone, 24e juste auparavant Freak Power avec Turn In, Turn On, Cop Out, et le numéro 22, Channel X, la bande originale du film Basic Instinct avec Rave the Rhythm, et juste après 21e Age of Love. Move your body, your legs a bit. Up and Down, c'est jusqu'à 17h, les 50 maxi qui ont cartonné entre les années 92 et 93 avec numéro 30 Sultana TMO. Il y avait également 29e Johnson Stephenson France Hubert, il y avait 28e Timo Bayo Assimi Gustame, il y aura également 27e Phenomenia avec Who is Elvis, 26 DHS The House of God, 25 Pleasure Game Le Dormeur, 24 Freak Power, 23 Carlos Mendes Saxophone, 22 Channel X Rave the Rhythm, numéro 21 Age of Love avec ce qu'on vient de s'écouter à l'instant, Age of Love. Tu nous gâtes, Olivier, tu nous gâtes. Voilà, 20e. On s'est écouté également, j'ai inversé les positions. Diamond Spoon avec Right in the Night et le numéro 19 avec Jeans. Et Jeans, c'est le titre Loop and Sing. À mon avis, on est un petit peu de retard là, c'est pas grave, il faudra s'inquiéter, non hein. Allez, on est parti. Galaxy Power Dance. anniversaire Galaxy, les 25 ans, et tout le monde est là. Joyeux anniversaire. Tout le monde dans le sens. Ah, ça fait du bien. En tripatouille avec les doigts. Excellente émission, super classement Power Dance Up and Down. Bon, on peut peut-être rappeler ce qui va se passer ce soir à partir de 21h, gros soir en perspective, avec le best of répondeur que tous les gens ont laissé leur message depuis 3-4 semaines maintenant. Ouais, tout à fait. Avec aussi une interview montée par Jérémy pour Laurence, ouais, la compilation. Ouais, voilà. Une interview réalisée à l'époque par Philippe et Laurence qui parlait de Dats de Villa. Donc on s'en écoutera un petit extrait tout à l'heure. Oui, et puis on aura aussi Philippe Bont une nouvelle fois dans le téléphone vers 21h30. Et puis bien sûr le best of Boris avec plusieurs extraits, bien sûr. Et puis on fera aussi le tour des boîtes ce soir avec le Pulse Factory, l'Escape Concept. On ira un petit peu partout en direct, en live, en téléphone avec Hubert, bien sûr, toujours en pleine forme ce soir. Donc si j'ai bien compris, c'est un rendez-vous à ne pas manquer tout à l'heure à 21h. Tout à fait, tout à fait. Allez, on continue. Les 15 premiers du Power Dance. Galaxy. 16e dans le classement United Six avec Inside Your Dreams. Et puis à l'instant, DJ Jotti Vanelli et Lolo Ferrari dans les cœurs. Sacré paire de poumons. C'était Play With The Voice. On va accélérer, on va speeder parce que là, on est en retard à mort. Allez, on continue. Galaxy, c'est sur 95.30. Curtis. C'est moi qui lui ai appris à parler. Maintenant, il dit des tas de choses. move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Encore une nouveauté sur Galaxy, Reel to Reel. Une nouveauté, une sorte. Ça me rappelle des souvenirs quand Hubert était à Bellward. Il y avait une discothèque à l'époque. Le Bellward. Il faisait le disco jockey. Et Hubert a DJ fait le Uber. DJ. Sous le nom de DJ Roger Megastar. Ça, c'est pas moi. D'accord. Et tu sais ce qu'on va faire? On va faire un petit récapitulatif depuis la 20e position parce qu'on a un petit peu battu la smoule. Je sais pas si tu peux nous faire le récapitulatif des 20 premiers jusqu'au 11e. Ah oui, pardon, j'ai. Là, on nous entend. Quand même. Tout à l'heure, je croyais couper le disque. En fait, j'ai coupé les micros. Okay, là, tu nous coupes le sifflet, ok. Let's go, Hubert. Donc, classé numéro 20, Jam & Spoon avec Ride It All Night. Ouais. 19, Jens avec Loops and Things. Yes. 18, J.D. Plastic Dreams. 17, Hadaway avec What Is Love. Numéro 16, Two Boys. I Won't Let You Down. Qu'est-ce qu'ils deviennent, les Two Boys, tiens, justement? Ah ben, ils ont appelé tout à l'heure, ils passeront ce soir entre 21h et 2h du matin. C'est une belle surprise. C'est vrai? Non. Ouais. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. On les appellera alors. C'est une blagueuse. Alors, numéro 15, U96, 96. Alors, on dit quoi? United 6, U96, U96. 96. Ouais, voilà, c'est ça que je cherchais. Merci, ouais. Olivier. En Belgique, bien là. Inside Your Dreams, numéro 14, Didi, Joe et Joe Vanelli. Play with the Voice, numéro 13, Oti Quartet. C'était un gros tube aussi, ça. Ouais, Hold That Sucker Down. Exactement, numéro 12, c'est Pinocchio avec notre pote David qu'on salue s'il nous écoute cet après-midi. Je sais qu'il n'est pas très loin. C'est le groupe Pinocchio, évidemment. Excellent. Numéro 11, c'était Real to Real avec I Like to Move It. I like to move it, move it. I like to move it. Et attention, je vous rappelle également qu'il y a une bourse disque qui est organisée demain. Si jamais vous avez entendu des disques que vous aimez bien, parce que cette semaine on vous a diffusé plein de choses. La bourse disque se déroule demain au Centre Expo à Moucron, rue de Menin, à partir de 10h jusqu'à 18h. Et vous retrouverez Olivier Curtis avec un gros stand avec plein de 45 tours, n'est-ce pas, hein? T'avais vu sur France 3 il y a pas très très longtemps. Tu seras, c'est vrai, tu vas. T'en souviens, ça? La star. Il paraît. Bon, attention. Et Rougis. 40 minutes pour passer les 10 premiers. Ah, justement, ça va être chaud. Il va falloir couper, à mon avis. Je crois qu'on pourra. T'as prévu la paire de ciseaux? Voilà, exactement. Mais juste auparavant, un événement sur Galaxy. Rappelez-vous, l'arrivée de Bézu. Il y avait un disque qui cartonnait à l'époque. Ça s'appelait Le Réveil et la Trompette. On va se passer un petit extrait tout de suite. Et juste après, un jingle collector. Attention, c'est du collector. Style. Vous verrez. Une poussière. À vos cassettes. Le matin, je me réveille, j'entends une trompette. Il y a déjà deux trompettes. réveille trompette. Le réveil et la trompette, c'était tout Hans. On le réécoutera tout à l'heure en entier hein, avec Gauthier. Ouais. Avec Gauthier, on s'en rappellera forcément. À l'aise. Bon. Je vais signaler également l'arrivée de Frédéric Meyer qui est venu nous rejoindre dans les studios. On le retrouvera tout à l'heure, bien sûr. Je vous avais promis tout de suite un petit jingle tout à fait exclusif. Attention, c'est. On veut l'entendre. Ça date des années 80 sur Galaxy, c'était très fort. La session 11, James Brown is dead, numéro 10. James Brown is dead. Les meilleurs moments de l'émission ce samedi dès 21h. Galaxy Weekend. might see. Oh, ben non, non. Crusaders. We are crusaders. On a trip around the world. On a trip around the world. Through forest jungle along the coast. Forest jungle along the coast. To find that big fat ghost. To find that big fat ghost. We are here, dicky dicky mama. Crusaders. We are crusaders. And far away from home. And far away from home. The big fat mama got her soul. The big fat mama got her soul. She really had a ball. She really had a ball. Également Galaxy 8ème, c'était Bingo à l'instant avec AD Kemama, 9ème Charimun Tracks 1 avec House of House et Ella Style, James Brown is Dead, c'était le numéro 10, on continue. Voici les 7 premiers, il est 16h30. Galaxy 95.3. Open, set, promise I will possess on mix gonna bet your nanga so nanga so nangle nangle come and say Olivier Curtis. Je t'aime comme la vache aime l'herbe. Classement du Power Dance jusqu'à 17h. On approche tout doucement des premières positions, hein, mine de rien. Ça approche tout doucement, tout doucement. Tout à fait, ouais. Tout à fait. On s'amuse bien ici, on s'amuse bien c'est ici. C'est un très très bon classement, tout ça. Tu viens de passer quoi, Olive, là ? Très très bon classement. C'était le titre de Goodman avec Give It Up, numéro 6, numéro 7, Lelaki. Et numéro 8, juste au bingo. Bingo. Et Dicky Mama. On se rapproche du premier. Tout ah, mais j'ai hâte d'entendre le premier du classement. Ouais, premier du classement, grosse surprise également. Hein. Alors, on rappelle le grand rendez-vous, elle peut manquer tout à l'heure à partir de 21h parce qu'il commence à y avoir du monde. Ouais, ici, ouais, ouais. Ah, ça se remplit bien, très bien. Avec bien sûr un direct avec Philippe Blonte vers 21h30. On aura l'occasion de passer des best-of Boris. Il y aura aussi bien sûr le répondeur avec tous vos messages depuis 2-3 semaines qu'on a enregistré. On a fait un bon best-of, en tout cas Jérémy s'y est collé. Tout à fait, ouais. Et puis, des archives. Ouais, et plein de grosses surprises, des anciens animateurs qui seront présents, notamment Frédéric Meyer. Il y aura aussi Laurent Doré qui nous rendra une petite visite. Gauthier Hubert, également avec son associé. Hein, Hubert aussi qui est là. Pas très bavard cet après-midi. Non, j'ai décidé de. Il fait la grève d'antenne pour Hubert. De scotcher cet après-midi. Il va reprendre sa voix ce soir. En fait, je garde ma voix pour ce soir. Voilà, d'accord. Il va tout lâcher. Sinon aussi, bien sûr, les mix hein, tout à l'heure, d'ici une petite demi-heure, je crois, il y aura pour commencer un mix rétro de 1989-90 avec Manu. Et juste après, ce sera un mix de At The Villa avec HS, Johan, Fifi. Et puis, dans la foulée, il y aura aussi un mix de Boccaccio authentique de 1991. Et puis, Franck Biazzi entre 20 et 21. Le mix que vous attendez tous, bien sûr. Et puis 21h, la grosse émission. Ouais, 21h. En plus, ce sera radio libre, donc vous pourrez nous appeler 03 20 83 57 57. On prend tout le monde au standard. Yes. Et on vous prend l'antenne. On s'écoute les 5 premiers, tiens. 5ème, Asphyx. C'est parti. Ça s'appelle comment? Asphyx. Opéra, Asphyx, Flashing. Référence, code barre. Ecstasy Dream. 198-215. Et on y va, 95-30. Welcome to Flash One. Galaxy. T'imagines, c'est le vrai Bézu. J'ai emmené le chanteur Hervé Villard au Boccaccio. Hervé Villard au Boccaccio. Tout le monde s'éclate. Oh, la cololo. Les meilleurs moments de l'émission, ce samedi, dès 21h. Galaxy, c'est sur 95.30. Très bien. Des cancres. Galaxy, c'est sur 95.30. Mais enfin, je n'ai qu'un mot à vous dire, continuez. Vous êtes sur la bonne voie. Et attention, on est parti avec les trois premiers. Numéro 3, Aqua Contact, ça s'appelle la Sirena. Oui. Juste après le numéro 2. Et juste, bah oui, c'est ouvert. Juste après le numéro 1, la Sirène. Numéro 3, Guillaume. Numéro 3, bien sûr, numéro 3 avec Aqua Contact, c'était la Sirena sur Banzai Records. Hey, yeah. Référence code barre. 198-215 celui-ci. 95-30. Yeah. Allez, on y va. We'll be right back. La fin du classement là. Oh non. Ça s'approche. Non. On veut continuer. On veut continuer. On va faire le récapitulatif des 10 premiers par exemple. Allez, qui s'y colle ? Allez, vas-y. Allez, je m'y colle. Allez, 10e. Numéro 10e, c'était LS Style avec James Brown is Dead. Il y avait aussi en numéro 9 Cher Moontracks avec le House of House, ça s'appelle chez Banzai. Layla Kay avec Open Sesame. Numéro 6, Good Man avec Give It Up. Asphyx en numéro 5 avec Flashing, le Ecstasy Alarm sur Dance Opera. Snake Charmer en numéro 4 avec Carpe Diem. Aqua Contact, La Sirena, Banzai Records en numéro 3. Et puis celui qu'on vient d'entendre à l'instant, c'était Cosmic Baby numéro 2 avec Loops on Infinity sur le label Logic Records, je crois, si j'ai bonne mémoire. Exactement, j'allais te dire d'ailleurs. Bon, mais il en manque un. Non, quel est le numéro 1? Quel est le numéro 1? Je veux savoir. C'est quand même une grosse surprise. Je veux savoir. Allez, on y va. Tu dis allez, stop. C'est allez, parti, stop. C'est dur être bébé. Ça, c'était la grosse surprise. Dur, dur d'être un bébé. C'est le titre que vous avez entendu le plus sur Galaxy au début des années 90. Ah, c'est vrai. Et c'était un gros carton. Bon, plus sérieusement, le numéro 1, le voici. Il s'appelle Tony DiBart de Real Thing. Excellent, Real Thing, bien sûr. Et je vous assure, au plus on avançait dans le classement, au plus on comptabilisait les votes, et eh bien au plus on était surpris. Real Thing. Oui, c'est vrai, c'est un peu la surprise, hein. Mais bon, c'est le classement du Power Dance Up and Down. Dans 3 minutes, 17h, on se retrouvera juste avant le top 10. Alors. Yes, numéro 1. We'll be right back. ce classement du Power Dance Up and Down, Tony DeBart avec The Real Thing. Bien, c'est marrant. Ouais, on recoupe le sifflet, encore une fois. On se croirait en 1994. C'était 94, Tony DeBart? Un peu plus tôt. 93. Ouais, 93. Parce que le classement s'est terminé en 93. Ah oh, là là là. Tu vois la suite logique, voilà. 91-93, c'est ça les dates du classement. Est-ce voilà. qu'on fait revenir Olivier la semaine prochaine? Non, mais déjà ce soir. Ah, encore. Puis, rendez-vous pour le prochain Up and Down dans 25 ans. On espère, on espère. On espère, on espère plutôt que ça. Ouais, bien sûr. Donc. Non, je plaisante évidemment. Ouais, donc ce soir. Alors, de grosse soirée, bien sûr, on rappelle, hein, 21h avec du Best of Boris. Il y aura aussi le tour des boîtes dans tous les discothèques de la région. Ah, ça va être bon. Beaucoup d'invités également dans les studios de la radio, les DJ forcément de Galaxy. Il y aura de l'animation, bien sûr. Et puis. On va bien s'amuser. Le Best of Répondeur. Excellent. Tous vos messages que vous attendez. On en a déjà diffusé quelques-uns cette semaine. Et le gros arrive, bien sûr, ce soir. On va tout lâcher. Et puis, bien sûr, tous les bêtisiers avec Lévi Curtis nous a préparé. Ouais. Et puis, bien sûr, Hubert. On aura une grosse surprise pour Boris ce soir. Ah, oui. Oui, oui, oui. Hein? Qui nous écoute, on va le laisser mijoter un petit peu. Il y aura une grosse surprise, bien sûr. Olivier, tout de suite avec bien sûr la suite de la musique, avec pour commencer un mix de Manu 1989-90 pour vraiment la vraie rétro. Juste après, ce sera un mix de At The Villa avec Yuan, Fifi et HS. Yes. Donc on salue au passage encore une fois. Et puis juste après, ce sera un mix du Boccaccio 1991 suivi de Frank Biazzi entre 20h et 21h pour un mix exclusif sur Galaxy. Il est 17h.